On met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas. On pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas. Presque nul les instants d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs.